La robe rose par Philippe Gerfaut. Ruinés, ils étaient ruinés. Le château et son mobilier vendus, il leur restait quelques centaines de francs pour venir se réfugier à Paris. Ils étaient quatre, le mari, qui avait 50 ans et qui paraissait plus âgé, la femme qui en avait 30 et qui paraissait plus jeune, un garçon de 8 ans, une fillette de 6, tous en deuil, en grand deuil d'une sainte femme, la grand-mère de Madame d'Avrilly. Celle-ci, restée orpheline toute petite, avait été élevée par cet aïeul dont la double maternité l'avait choyée d'une tendresse double et dont la perte très récente laissait encore son cœur saignant. Que venait-il chercher à Paris? L'appui d'un ministre qui était leur parent et dont la générosité leur avait été vantée. Comment ne se laisserait-il pas émouvoir par une cause si intéressante, par un vieux nom honorablement porté, par cette jeune femme qui pleurait la mort de sa mère et qui bientôt, peut-être, n'aurait plus de pain à donner à ses enfants. Et tout d'abord, la famille d'Avrilly se crut perdue dans cet immense Paris où elle ne connaissait personne. Les malheureux avaient pris un appartement meublé, presque propre à première vue, mais fané, poussiéreux, désolant. Les lits étaient étroits, comme des cercueils. Il n'y en avait que deux, et le soir venu, Henri couchait sur un matelas par terre et Suzanne sur deux fauteuils qui souvent se séparaient, laissant doucement tomber l'enfant dans ses couvertures. Aussitôt les malles défaites, il avait fallu songer à la visite au ministère et l'on avait demandé une audience, accordée par retour du courrier. On décida que ce serait Madame d'Avrilly, moins timide et moins découragée que son mari, qui affronterait cette première entrevue, tandis que le père de famille garderait les enfants à la maison. Elle avait promis d'être brave, la chère femme, mais elle pensa prendre la fuite dès qu'elle eut mis le pied dans le salon d'attente où l'introduisit un vieil huissier à chaîne d'acier, au crâne luisant comme un oignon blanc. Elle voyait en elle, dans cette vaste pièce, un gros homme qu'on appelait Monseigneur, et qui était un prince étranger, un évêque en petite tenue, un général, quelques députés, des préfets, un groupe d'ingénieurs qui discutaient un projet de chemin de fer, 3 jolies solliciteuses qui bâillaient. À sa grande surprise, Madame d'Avrilly fut admise après sa grandeur et après son altesse. Le ministre voulait sans doute faire preuve d'égard envers sa parente pauvre. Oh, comme elle lui en savait gré! Comme elle se sentait encouragée, confiante, prête à bien expliquer son affaire, sans trouble, sans précipitation. Elle sera écoutée aussi favorablement qu'elle était reçue. Elle s'avança alors dans le cabinet du ministre, cherchant à reconnaître l'homme au milieu d'une nuée de papier blanc lancé en l'air et qui ressemblait à des colombes sortant des manches d'un escamoteur. C'était bien son Excellence qui, dans un accès de colère, se livrait à ce singulier exercice. « Ah, ce maudit plan! Je ne le trouverai donc pas, » disait-il avec impatience. « Ah, pardon, madame, ma cousine, je crois. » « Monsieur le ministre, » dit la solliciteuse, qui tenait à ne pas oublier les formules, « j'avais crié à votre Excellence. » « Oui, je sais, votre mari a placé, 50 ans, un âge fâcheux. » « C'est une inspection qu'il lui faudrait, une bonne sinécure. » « Mais vous voyez combien je suis débordé. » « Revenez, ou plutôt envoyez-le-moi. » Suis-je assez pressé? Et c'est tous les jours comme cela. » Puis il sonna. L'audience n'avait pas duré 5 minutes, et la pauvre femme s'était à peine assise. Le lendemain, ce fut le tour de M. d'Avrilly. Même foule dans l'antichambre, même brièveté d'attente, même personnage agité et pressé. La seconde audience fut exactement la répétition de la première. « Notre cousin est bien disposé, » dit au retour le mari à sa femme, « mais il n'a pas une minute à lui. » Il s'est excusé de ne pouvoir me parler longuement. C'est désolant. Je lui ai proposé d'aller l'attendre dans sa voiture, mais elle était déjà prise d'assaut par 2 députés. Alors il m'a remis ses invitations pour son bal, ajoutant que chez lui, le soir, il pourrait peut-être causer avec nous 2 minutes. Un bal? Tu as accepté? Et notre deuil? Tu n'as pas songé à notre deuil, à notre pauvre aïeul? Et nos enfants, qui mourront de faim si nous n'avons pas la place? Répliqua le mari accablé. Elle resta silencieuse. Elle se sentait à la fois révoltée et vaincue. Aller à ce bal, horreur! Il se disait qu'il faudrait pourtant y aller, et que ce calice de plaisir, il faudrait le boire. Et elle admirait comment une fête enviée par tant de femmes pouvait lui apparaître comme le plus odieux des supplices. Mais Madame d'Avrilly n'avait pas l'habitude de s'apitoyer longtemps sur elle-même. L'intérêt des siens était un ressort qui relevait vite les défaillances de son cœur. Elle prit donc bientôt le parti de se soumettre et d'agir. Alors se dressa la question de la toilette. son mari possédait la tenue obligée, l'universel, l'habit noir et la cravate blanche. Mais elle, elle n'aimait pas même une robe de deuil habillée. Celle qu'elle portait, son unique robe noire, montante et d'étoffe économique, n'était pas seulement une austérité funèbre. Déplacée dans une réunion mondaine, elle était défraîchie, à moitié usée. Tranchons le mot, elle était sale. Que faire? Quel arrangement inventer? Quelle transaction? Madame d'Avrilly voulut voir si sa garde-robe des temps meilleurs, soigneusement apportée à Paris, lui offrirait quelques ressources. Il tira d'un cabinet noir les vieilles malles qui la renfermaient. Ses enfants l'aidèrent volontiers à cette besogne et, pourquoi ne pas avouer, qu'ils s'en amusèrent autant qu'elle en gémit. Ne sait-on pas bien l'heureuse, la providentielle insensibilité de leur âge? Tous trois penchés sur les coffres profonds, ils retournaient en vain les jupes et les corsages superposés, les pèlerines, les bertes de dentelle reprisées, les écharpes, les traînes, étoffes d'antan, gaz de Chambéry, popeline d'Irlande, gros de Naples, barèges et bazins. Rien n'y représentait le deuil, pas même le demi-deuil. Nulle nuance foncée et le tout passé, fripé, lamentable. Qu'est-ce qu'une étoffe d'aujourd'hui quand elle a servi? Un chiffon. Madame d'Avrilly se désespérait quand son fils se mit à pouffer de rire. Tout au fond de la plus ancienne des deux malles, il venait de découvrir un objet qui lui paraissait vraiment comique et qu'il se hâtait de montrer à sa sœur. Suzanne en riait à son tour et de bon cœur. Leur mère, intriguée, les écarta, plongea la main dans ce fond si divertissant et en tira tout de suite une pièce étrange, en effet, une robe de sa grand-mère. Elle l'avait enlevée par le haut du corsage, qui ne faisait qu'une pièce avec la jupe, et quand elle la posa droite sur le parquet, elle put la lâcher. Grâce à l'épaisse et triple toile bise qui la doublait, la robe tint debout. Vraiment, elle semblait habitée, et les enfants, étonnés un instant de sa robustesse quasi fantastique, se mirent à danser autour en battant des mains. « C'est grand-maman » criait-il, « c'est elle !» Madame d'Avrilly les fit taire, et elle ne put s'empêcher d'admirer l'étoffe magnifique qui rayonnait dans la chambre misérable. Un lampade en rose saumon, brodé de feuillages d'argent. Dans ses plis orgueilleux, cassés en travers du jais, nichait encore le souvenir des fêtes du directoire avec des reflets de la Révolution. « Oh, maman, que vous allez être belle là-dedans !» s'écria la petite Suzanne. « Moi ?» répliqua la mère avec un geste indigné. Puis, dominant son cœur et se rappelant bien vite qu'elle était dans les tenailles de la vie, qu'elle n'y était pas seule et que coûte que coûte il s'agissait d'en arracher les siens, Madame d'Avrilly releva la tête et complétant sa réplique « Eh bien oui, ma Suzanne, cria-t-elle, je serai belle là-dedans. » Et à la fin de la journée, la robe de la grand-mère fut confiée à une petite couturière, non sans talent, qui la transforma bientôt en un chef-d'œuvre tout moderne. Dire le renouvellement de répugnance avec lequel elle fut reçue, malgré son rajeunissement féerique, les pleurs versés en l'essayant, puis le retour d'énergie, la fièvre croissante du courage à l'approche de l'épreuve, l'entrain désespéré du départ pour l'horrible bal, serait dire ce que chacun devinait déjà. Femme et toilette firent sensation au ministère et son Excellence accueillit sa cousine avec le plus gracieux émerveillement. Mais le mari et la femme constatèrent qu'il était aussi difficile de lui parler dans son salon que dans son cabinet. Ils observaient de courant parmi les invités, l'un qui allait au ministre pour solliciter des places, l'autre qui allait au buffet pour manger des gâteaux. Eux, ils se tenaient dans un coin, timides et effarouchés devant cette foule hardie qui enlevait d'assaut le champagne et le personnage officiel. Leur attente prit fin, et leur discrétion fut récompensée quand leur cousin vint à eux en souriant. « Eh bien, leur dit-il, mais vous me voyez tout fier de la parenté. C'est sans compliment sur ma parole. L'ambassadrice d'Angleterre ne vient-elle pas de m'arrêter pour me demander qui était cette si belle personne qui portait si bien cette si belle toilette ?»« Ma cousine, milady, ai-je répondu en m'inclinant. Et la voix me tremblait, je vous jure, car je soupçonnais bien un peu l'effort qu'il avait fallu pour l'arborer, cette si belle robe. J'aime les vaillantises, moi, et les vaillantes, et je le prouverai si... » Il allait achever sa phrase quand un général étranger, constellé de décorations, s'empara de lui, et les d'Avrilly s'en retournèrent chez eux, partagés entre la tristesse et l'espoir. Dans la voiture, le mari tint la main de sa femme entre les siennes. Il la remerciait du sacrifice qu'elle avait accompli jusqu'au bout avec la grâce de tous les hauts dévouements. Rentrée, elle n'en eut pas moins hâte de quitter sa belle robe et de s'envelopper d'un châle noir pour prier à deux genoux auprès de ses enfants endormis. Un coup de sonnette à la porte la redressa. Elle courut demander ce qu'on voulait, puis elle ouvrit à celui qui se faisait connaître. C'était l'huissier chauve du ministère qui apportait d'urgence un pli de la part du patron, et celui-ci ne devait pas se coucher avant qu'on eût lui certifié la remise. L'enveloppe à l'adresse de Madame d'Avrilly fut vite ouverte. Elle renfermait la nomination de son mari à un emploi de 6 000 francs, plus la carte du ministre, avec ses mots en pâte de mouche, sous la robe comme sous le drapeau, honneur à l'héroïsme. C'était La Robe Rose, par Philippe Gerfaut.